LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Alors, bienvenue Elodie dans cet appartement. On dit que tout se passe dans les 10 premiers pas, les 10 premières secondes. Donc quand on fait visiter un appartement, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on voit quand on est à l'entrée. Est-ce qu'on voit des fenêtres? Qu'est-ce qu'on voit de ces fenêtres? Donc c'est important de se rappeler que ce qui va faire le bien-être de la plus grande partie des gens, c'est la lumière et souvent le besoin d'espace. Voilà. Et faire visiter à certaines heures, ça a du sens. Et parfois, faire visiter quand il pleut et quand il fait pas beau, ça en a aussi. Et moi, j'aime bien faire visiter quand il pleut parce qu'en fait, on montre un bien qui peut avoir beaucoup de charme sous son mauvais jour. Je sais que là, s'il plaît, c'est que ce sont les murs qui ont parlé plus que la lumière. Et souvent, on fait revisiter de nuit pour que les gens soient sûrs que de nuit avec des lumières, ça va leur plaire. Alors, je vais commencer par vous ouvrir. J'ai toujours été fascinée par les visages qui, furtivement, passent devant une fenêtre. Les volets sont roulants. Que se passe-t-il derrière nos murs, derrière vos murs? La nuit tombante, nos intérieurs sont soudain plus visibles, éclairés par la lumière du salon ou celle de la télévision. Je vous ouvre tout, et volontairement. On devine parfois un bout de cuisine, une plante, une affiche. Mais cela ne dit rien de la manière dont nous partageons nos espaces, dont nous vivons nos intérieurs, dont nous les aménageons, ce que l'on montre et ce que l'on cache. C'est qu'après vous êtes chez vous. Ce que nous mettons de nous dans nos murs et la manière dont ils nous transforment. Qu'est-ce que ça veut dire être chez soi, être au bon endroit? Donc là je suis au sud, du coup je vais avoir du soleil. Le temps de cette série documentaire, nous allons emménager, pousser des meubles, faire de la place, en manquer aussi, en manquer souvent, créer un abri, une forteresse même. Nous allons sonner chez nos voisins tout en fermant nos portes à triple tour, et puis nous partirons, des cartons de livres dans les bras, vers d'autres contrées. C'est une porte-fenêtre. Regardez les sols, c'est les sols dont je vous ai parlé au téléphone. Nous sommes à Marseille, en compagnie d'Isabelle Fabra, conseillère immobilière, qui va, le temps d'un épisode, nous ouvrir la voie. Damier, des quatre pièces principales. Voilà, c'est super beau. Chez nous, une série documentaire d'Élodie Font et Véronique Samouilov. Épisode 1, et on démarre une autre histoire. Cette maison, c'était comme un nouveau départ, un avenir plus joyeux par rapport à ce qu'on venait de vivre. Être chez moi, c'est d'abord arriver dans un endroit où tout s'apaise. Être chez moi, c'est peut-être le seul endroit où les règles sont les miennes. Et c'est ça, c'est le refuge, c'est là où tout est permis et maîtrisé. Tout ce qui s'est passé dehors, tout ça, ça s'arrête et je peux mettre mon corps au repos de toutes les façons. On ne se soucie plus de faire bonne figure, d'être attentive, d'être polie. On ouvre la porte sur un autre univers, en quelque sorte. C'est comme passer par un vestiaire. On se dépouille de l'extérieur et on se retrouve. On est avec soi-même. Nous voici chez Anne. Un immeuble parisien, un café à ses pieds, un deuxième étage. Y a-t-il un ascenseur ? Je revois l'escalier décoré avec des livres en libre service en dessous sur le palier. Bonjour, bienvenue dans le chaos. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle être dans le dur. C'est la phase un peu entre deux eaux, entre deux états, où il y a déjà un certain nombre de choses qui sont dans l'autre appartement. Et puis, pour l'instant, pas mal de choses encore au sol ici. Ce soir, j'ai loué des bras, des gros bras, on peut louer des paires de bras, pour déménager la gazinière et le frigo. Et d'ailleurs, il va falloir que je dégivre mon frigo parce que sinon il va se vider dans sur les 7 escaliers de l'autre côté. Là, t'es dans la phase effectivement un peu compliquée d'un déménagement parce que au sol, il y a de la vaisselle, mais il y a aussi un produit d'entretien, il y a un chapeau, il y a des plantes, il y a des papiers. En fait, c'est toutes les petites choses dont on ne sait pas exactement quoi faire. C'est ça, c'est les endroits où je sais pas où ça rentre, et peut-être que ça rentrait dans ma vie d'avant, en fait. Je vois bien que dans l'autre appartement, ça colle plus. Mais là, on est devant un grand bazar, devant lequel je ne sais pas vraiment quoi faire de tout ça. C'est aussi pour ça que je prends 15 jours de mes vacances, où je suis sûre que je ne travaillerai pas, pour être toute seule ici, à quatre pattes, et vraiment à me poser la question sur chacun des objets. Là, devant nous, il y a un briquet qu'on m'a offert, qui doit plus fonctionner, mais parce que c'est une chouette, j'aime bien, je garde tous les trucs où il y a des chouettes dessus. De l'encens qu'on m'avait rapporté de Mongolie, une vieille crème solaire, et je me dis, ah tiens, ça quand même, ça peut servir cet été. Un vieux chargeur d'un téléphone, un étui de parapluie, parce que ça sert, ça quand même, les étuis de parapluie, il faudrait que je retrouve le parapluie d'ailleurs. Un gros feutre pour aller sur le tableau Velleda, mais je vais vendre le tableau Velleda, donc est-ce que je garde le gros feutre qui pourrait me servir à écrire sur les cartons. Bref. Depuis qu'elle a quitté ses parents et ses frères et sœurs, Anne a toujours vécu seule. Pour la première fois en 20 ans, elle s'apprête à emménager avec son compagnon, Christophe. Et transformer son espace pour elle toute seule en un appartement moitié moins grand, déjà habité par celui qu'elle va rejoindre dans quelques jours. Pendant des années, j'ai cru que jamais, en fait, je rencontrerais quelqu'un avec lequel avoir envie de faire un bout de chemin. À un moment donné, il y a une partie de moi qui s'était presque un peu peut-être résignée ou racontée que ce serait pas pour moi. Et en fait, au milieu de tous ces aménagements, ces allers-retours en voiture et ces cartons portés, il y a quand même ce projet qui se concrétise. Et donc, on est plutôt dans cette phase-là, de chacun arrive avec sa petite collection de jouets. Parce qu'en fait, on est à la fameuse phase du « est-ce qu'on garde ta machine à laver ou la mienne ? Est-ce qu'on garde ton frigo ou le mien ?» Et on tente de composer quelque chose qui ressemblerait à justement quelque chose qui nous ressemblerait. Attends, j'ai mes brocolis et mon cabillaud surgelé qui sont en train de se faire la malle. Donc attends, il faut que je prenne une bassine, non ? Un seau. Ouais. J'ai un seau. Et on va surtout couper le frigo, non ? Je revois des super moments de cuisine à deux avec mon amoureux. Je revois quelques soirées où on est là avec des verres d'alcool. Je bois plus d'alcool depuis, mais enfin voilà. Je revois des engueulades aussi, dans la salle de bain, des endroits vraiment de grande tendresse, des endroits où j'étais très fatiguée, des moments de travail, des moments de colère, des moments de désespoir, vraiment de retrouver. Comme si vraiment je passais, tu vois, la petite balayette, de vraiment revenir tout récupérer, vraiment tout récupérer intégralement pour ne rien laisser de ces espaces-là qui m'appartiendraient. Mais de la même manière, si tout le monde remporte tout ce qui est à soi dans la nature, c'est la meilleure manière de prendre soin de la planète Terre, et c'est un peu pareil. C'est aussi un lieu que j'avais fait nettoyer énergétiquement aussi par un géobiologue avant de venir, et voilà, pour le libérer aussi des chagrins potentiellement qu'aurait pu être vécu dans ces murs. Je crois beaucoup à ça, et je crois aussi vraiment que c'est parce que j'ai fait nettoyer ce lieu entre guillemets par quelqu'un dont c'est le métier. Je crois aussi que c'est ce lieu-là qui du coup était OK pour que je vienne. En fait, il faut que tu laisses un peu ouvert. Et attends, si je mettais de l'eau chaude dessus, ouais, de l'eau chaude, on va bien dégouliner. Ça tombe bien, je venais de nettoyer cette cuisine. Bon. Est-ce que tu as l'impression de vider quelque chose ? J'ai vraiment l'impression d'être au milieu du gué, entre deux états, entre plus tout à fait dans cet appartement-là, parce que là, j'ai plus de lit, par exemple, donc je dors dans l'autre. Et en même temps, il y a encore plein de choses, en fait, qui sont là, qui traînent un peu depuis des années. Et en même temps, je sens que j'ai plus d'accroche, j'ai plus de port d'attache pendant ce temps d'entre-deux. Et je vois bien que dans cette charnière, cette bascule un peu, il y a alors, stop ou encore, alors, tu veux toujours le schéma d'avant ou t'es prête pour la nouvelle vie ou ça vient me titiller quand même. C'est pas très confortable. C'est un vrai passage, en fait. Je vois vraiment ça. Il y a, comme les vases communicants, il y a, voilà, il y avait des meubles dans un endroit qui ne feront pas leur entrée dans le nouvel endroit. Je prends le temps de dire au revoir et de clôturer. Et en même temps, je sais que c'est vraiment la meilleure décision. J'ai adoré cet appartement. Et il est temps, en effet, d'aller vivre ailleurs, sous d'autres cieux. On a enlevé la machine à laver et on a fait notre première machine de couple dans l'autre appartement ce matin. Ça, c'était un peu couleur ou blanc ? On a fait couleur, on a bien fait gaffe. Je te cache pas que j'ai mis deux lingettes anti-décolorantes. Et c'est vrai que c'était quand même un truc, on s'est regardé, genre, c'est notre première machine de couple ensemble, je récupère tes sous-vêtements, tes robes, pour vraiment choisir ça. Donc ça, c'était quand même un passage. Déménager, emménager, clore un chapitre de sa vie pour en ouvrir un autre, encore inédit. Bascule synonyme d'élan, de promesse, de questionnement. Que vivrais-je dans ce « chez moi, pas encore chez moi » ? Une nouvelle adresse, une nouvelle boîte aux lettres, une nouvelle clé pour une nouvelle serrure. Je ne reconnais encore ni les bruits, ni les parfums. Rien ne m'est familier, je me cogne partout. Il manque un liant, un poli, une souplesse, une évidence. Je me surprends à regarder les murs comme s'ils refusaient de m'accueillir pleinement, laissant transparaître une légère forme de réserve, presque d'hostilité. Certes, ils ont raison. Nous devons commencer par nous séduire, nous apprivoiser, engager petit à petit la conversation. Et comment vivre ensemble sans égard, consultation et négociations répétées ? Impossible ! Donc allons-y. Chère nouvelle habitation qui me fait l'honneur de m'accueillir en ton sein, dis-moi où puis-je arrimer mon lit ? La tête au nord, les pieds au sud, entre les prises électriques pour poser les lampes sur les chevets. D'accord. Il y a le vis-à-vis indiscret du voisinage, le soleil matinal. Tu recommandes donc rideau, store, voilage. Leur confection prendra du temps. Parons au plus pressé. Commençons par du provisoire. Cela te froisse ? Soit, attelons-nous au store occultant en priorité. Le reste patientera. Paris Fantasme, Lydia Flemme. Le moment où ils ferment la porte, c'est très important pour eux. Le moment où ils vont définitivement claquer la porte parce qu'ils ont fini de vider leur appartement tout seul ou avec des déménageurs, c'est un moment hyper important. Ça cristallise énormément de choses. Ils sont en train de quitter un lieu, quitter des souvenirs. Ils sont en train de vivre un morceau de leur vie qui est usant, qui requiert de l'énergie, de l'organisation, parfois de l'argent, parce que ça coûte cher un déménagement, donc il ne faut pas se louper. Et moi, je suis celle qui prend la parole, qui reçoit la parole et les désirs et les requêtes dans un contexte où je sais qu'ils sont en train de vivre un mini petit tremblement de terre. Donc la moindre des choses, déjà, c'est d'être à leur écoute et d'être compréhensif et d'être arrangeant. Je suis un trait d'union, en fait. Se sentir à l'abri chez soi, tout de suite une image. La maison de mes parents, les soirs de grand vent, la pluie qui fouette la fenêtre, se blottir sous la couette et s'endormir la tempête dans la tête, s'endormir en sachant que la pluie et le vent seront moins forts que le toit bleu nuit de la maison de mes parents. Enfin, je crois, la maison comme un immense parapluie qui ne se retournerait pas. Je suis Pierre Gilbert, donc je suis sociologue et enseignant à l'université Paris 8. Et je travaille sur les classes populaires, le logement, les quartiers populaires. J'ai été conduit donc à m'interroger sur la spécificité de cet espace comparativement à d'autres espaces comme le lieu de travail, d'autres espaces étudiés par les sociologues, le guichet d'une administration, l'école, etc. Et ce qui caractérise l'espace domestique, c'est que c'est un monde qui est à l'abri relatif, mais à l'abri quand même des rapports de domination. C'est un espace qu'on peut aménager à sa guise, dans lequel on maîtrise à la fois l'espace et le temps. Ce qui n'est pas le cas dans bien d'autres espaces, en particulier pour les classes populaires, qui, sur les lieux de travail, occupent des positions subalternes et ont peu de loisirs, en tout cas, d'aménager à leur guise cet espace. Il y a une expression, un proverbe qui exprime cette idée, hein, c'est le proverbe « charbonnier maître chez soi ». C'est-à-dire, même le plus humble d'entre tous, une fois qu'il franchit le seuil de son foyer, il est libre de disposer à sa guise de son temps et de l'aménagement de son espace. Voilà, donc on est davantage à l'abri qu'ailleurs, mais pour compléter, il faudrait ajouter que c'est aussi un espace qui n'est pas à l'abri des rapports de domination, puisqu'en fait, il y a aussi des rapports de domination dans la famille, entre parents et enfants, et entre générations, et selon le genre. Donc on sait bien que, par exemple, c'est dans l'espace domestique que les violences de genre sont les plus fréquentes et les plus graves, violences sexuelles ou violences physiques. Qu'est-ce que ça veut dire être chez vous ? Quand j'arrive quelque part, je l'investis. J'ai besoin absolument de l'investir, quoi, de trouver mes marques. Il y a un moment où il n'y a plus aucun doute. On est dans l'absolue certitude. Et ça, aujourd'hui, quand je fais ce métier et que je croise des gens, je le vois dans leurs yeux. Ils sont à leur place. Je sais qu'ils vont me faire une offre. Donc je l'ai vécu et je pense que d'autres gens le vivent, c'est d'arriver dans un endroit et de se dire, on ne sait pas pourquoi, hein, mais on y est, ça y est, c'est au bon endroit. Y a des gens qui connectent avec leur intérieur, qui enfoncent leurs racines dedans et ça devient leur rocher, ils sont une moule sur leur rocher, et ils vont rester 20 ans comme moi. Il y a des gens qui changent de maison tous les 5 ans. Hein. Moi, je croise toutes sortes de profils. Je pense que c'est une ouverture à soi-même, la maison. Et il y a des gens qui ne s'écoutent pas eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas écouter la façon dont ils aimeraient vivre leur intérieur. Moi, je fais partie des gens qui vivent leur intérieur. Aucun événement de la vie ne vous a fait quitter cet appartement ? Ben non. Il me semble que vous vous êtes séparés du père de vos enfants. Oui, et non, je n'ai pas mis en lien les événements avec l'endroit où je vis, et je ne me suis pas... J'ai pas eu besoin de me dire, faut que je change d'endroit pour effacer des choses ou recommencer quelque chose. Au contraire, c'est peut-être même ma forteresse. Here is a house where it all happens. Those tender moments under this roof. Body and soul. Une journée ensoleillée d'automne, un grand boulevard parisien, des voitures de police et des ambulances en fond sonore, un cinquième étage avec ascenseur, un bureau qui ressemble à une bibliothèque. Bonjour. Monique Eleb, sociologue. Ma thèse s'appelait « Se construire et habiter », s'appelle toujours. Et en fait, j'ai compris que on faisait un travail sur soi en aménageant. C'est-à-dire qu'il y avait une nécessité que le lieu vous ressemble, d'abord, premièrement, et qu'ensuite, il fallait que les lieux vous aident à vous transformer. Et on met en place, en les transformant, en fait, des éléments de son histoire. Alors, en fait, aussi, il y a quelque chose qu'il faut dire qui est vraiment premier, c'est que tout ce qu'on fait chez soi, ça parle du passé, ça parle du présent, et ça parle de ce qu'on veut devenir. Et à des moments, c'est plus important d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent rien faire. Et ceux qui, en général, sont dans des situations de crise ou de transition entre deux statuts, deux états. Par exemple, le divorce est un moment où, justement, très souvent, on ne peut plus rien faire chez soi, en attendant de se retrouver. de se remettre de la crise, de la peine. Et en attendant, on ne fait rien jusqu'à ce que tout ça soit passé. Et donc, j'ai eu des cas, puisque j'ai fait des travaux de terrain, beaucoup, énormément. De 76 à 2012, j'ai fait des analyses, des entretiens avec les habitants. Donc, en fait, j'ai vu énormément de cas. Et l'idée, c'est que si on ne transforme pas, c'est soit qu'on est en crise, soit qu'on est dans une phase de mort, en fait, de mort au sens mental. C'est-à-dire qu'on est, mal et qu'on arrête de faire quoi que ce soit par rapport à ce qu'on est. Voilà. Donc, en fait, il y a une interaction entre le chez-soi et soi. C'est-à-dire que pour changer de façon interne, on a besoin de laisser des traces ou de transformer. Voilà. Et donc, transformer, c'est pas du décor. Voilà. Donc, aménager, c'est tout ça en même temps, quoi. Et aménager, décorer, transformer, tous ces éléments-là renvoient au travail sur soi. La porte est ouverte. Nous allons rencontrer Mona Chollet en plein cœur de la capitale. Un appartement d'une vingtaine de mètres carrés, un mini-bar de cuisine où s'empile l'été. Une grande fenêtre et la lumière du ciel et des toits qui s'étirent à l'infini. Dans ces conditions, si l'on nous demandait le bienfait le plus précieux de la maison, nous dirions « la maison abrite la rêverie ». La maison protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. Si la maison se complique un peu, si elle a caves et greniers, des coins et des couloirs, nos souvenirs ont des refuges de mieux en mieux caractérisés. Nous y retournons toute notre vie en nos rêveries. Sans la maison, l'homme serait un être dispersé. Elle maintient l'homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie. Elle est corps et âme. Elle est le premier monde de l'être humain. Et toujours en nos rêveries, la maison est un grand berceau. La vie commence bien. Elle commence enfermée, protégée, toute tiède, dans le giron de la maison. Gaston Bachelard, la poétique de l'espace. Ouais, c'est vrai que c'est très beau ces passages de la poétique de l'espace où Bachelard en fait compare la maison à, il en fait une sorte de métaphore de notre propre corps en fait et peut-être pas seulement du corps mais de tout notre être, c'est-à-dire autant la cave que le grenier ça représente des espaces intérieurs en fait qui sont différents, qui sont pas c'est peut-être pour ça d'ailleurs ça me fait penser, j'avais jamais fait le lien mais j'ai une fascination pour... Je collectionne en particulier les images d'escaliers. Je trouve que c'est extraordinairement fascinant, les escaliers. Et peut-être que c'est ça, justement. C'est-à-dire, l'escalier, c'est le dispositif qui relie différentes dimensions de notre logement, mais de nous-mêmes aussi. Et c'est des lieux de passage, des lieux d'ouverture sur des espaces inconnus, invisibles, qu'on peut seulement deviner depuis l'étage du dessus ou du dessous. Ouais, il y a cette ouverture mystérieuse sur autre chose, et puis il y a le déplacement du corps dans l'espace. Le regard change aussi quand vous vous élevez ou quand vous descendez. Vous êtes attentif à d'autres aspects de votre environnement. Vous vous déplacez sur une plus grande hauteur. Enfin, ouais, sensoriellement, ça change complètement la manière d'évoluer dans l'espace. J'ai habité deux fois dans des espaces où personne, avant moi, n'avait touché les murs. Aucun fantôme, aucune autre personnalité. La maison de mes parents, imaginée par eux, dont ils sont les premiers occupants, et un appartement neuf, découvert sur un plan. Je me souviens de la difficulté à me représenter des murs dessinés sur un papier. Y aurait-il de la place pour le matelas ici ? Y aurait-il une prise pour la table de chevet ? Nous étions les premières occupantes des lieux, mais nous avons eu à peine le temps de nous y consacrer. J'y ai planté un peu de lavande, un framboisier, que déjà il fallait le quitter, nous quitter. C'est un lieu éphémère. Je ne sais pas si j'y ai laissé quelque chose de moi. Nous sommes chez Anthony et Tiphaine. Une ruelle en contrebas de l'église, vue sur le lac du Bourget et les montagnes, de l'autre côté de l'eau. Les fenêtres sont immenses. Appelle-t-on encore ça des fenêtres ? Les pièces sont larges, lumineuses, meublées avec soin. On est au rez-de-chaussée de la maison que vous avez complètement retapée. Alors là, on est dans la pièce à vivre principale, qui est le cuisine séjour. C'est une pièce qui est ouverte sur tout le reste de la maison. Parce que du coup, dans cet agencement de maisons qui se sont connectées les unes aux autres, entre l'extension et l'existant, on a cette cage d'escalier qui est un peu l'exosquelette de la maison, qui communique avec tous les étages et toutes les pièces quasiment. Donc en fait, on voit tout le monde naviguer, c'est très vivant. Et en été, par exemple, quand on ouvre toutes les baies vitrées, on a l'impression d'être dans une petite cabane. Tout est ouvert et on a la vue ouverte à nous. Papa a trouvé une maison. Le cadre est magnifique, une vue lac, un côté bucolique, un jardin dont on a toujours rêvé. La maison, elle, est entièrement à refaire. L'intérieur est vide, cassé, abîmé. Anthony m'explique qu'on ne gardera que la coque. Je crois que je me sens comme cette maison. Vide, cassé, abîmé, errant dans un cadre magnifique. La maison, à la base, c'était un petit cube. Je me suis projeté d'abord en sonnant les murs, c'est-à-dire que je vais les toquer et on va regarder la structure du mur. Est-ce que c'est une cloison, quelque chose de léger ? Est-ce que c'est un mur porteur ? Auquel cas, il faudra composer avec. De toute manière, moi, je la trouve moche, la maison. Elle n'était pas jolie, dans son jus, de 1955, donc beaucoup de travaux étaient devant moi annoncés. Mon cadre, c'est ma famille, mes proches et ceux qui nous épaulent au quotidien. Ma plus belle vue, c'est le sourire d'Iliane. Mon jardin, le souvenir de Naël. Il y a beaucoup de travaux à faire et un changement irréversible à prévoir, mais un jour, je l'espère, on y sera heureux. Ce que je voulais, c'était savoir qu'il y a une structure saine, donc des murs porteurs en fondation sur le bas, une charpente qu'on pouvait exploiter, et après, complètement recomposer la maison, parce qu'on est parti d'un truc cubique et on en a fait une extension à côté qui est venue s'imbriquer dans l'existant. Quand vous avez vu cette maison pour la première fois, Anthony, pourquoi vous avez eu envie de vous investir dans ce chantier ? Alors, il y a une raison très personnelle à ça de base, c'est qu'on était d'abord dans un appartement à Lyon. Le rythme de vie évolue dans un foyer, et donc on est parti d'un 35 mètres carrés, ensuite le double avec l'arrivée d'un enfant. Et donc aussi une épreuve de vie qui fait qu'on, sur Lyon, on a aussi eu le frère jumeau de notre enfant qui malheureusement est décédé d'une cardiopathie. Et à l'issue de ça, je souhaitais me projeter ma famille dans un nouvel environnement. Quelque chose de sain, quelque chose où on allait voir notre fils s'épanouir. Nous, j'espérais, et en tout cas ça se traduit aujourd'hui, avoir un confort de vie, un environnement qui soit sain. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici. Vous ne vous voyez pas, à l'époque, rester dans le même appartement ? Non. Lyon et son périmètre, les hôpitaux, là où mon fils est parti, je ne voulais plus passer devant. Je voulais un renouveau. J'ai eu des jumeaux en avril 2019, Iliane et Naël. Et quelques mois plus tard, mon fils Naël est décédé, des suites d'une cardiopathie complexe. Ma vie a été vraiment très compliquée à cette période. Et c'est là où je pense que je me sentais si détruite de l'intérieur, si vide. Moi, j'ai très peu réfléchi. J'avais besoin de ce projet. C'était ma manière de porter ma famille vers l'avant. Ça m'a permis aussi de m'occuper l'esprit et de me donner pour un but qui était donc de mettre ma famille à l'abri, de la pluie et des finances, mais surtout de me mettre dans un projet qui allait m'occuper, parce que j'en avais besoin. Moi, je déteste les travaux, je déteste ça. J'aime pas être dans la poussière tout le temps. C'est vraiment le bruit, la poussière. Pour moi, c'est vraiment pas mon truc. Et c'est la passion d'Anthony, mais j'ai du mal à l'aider parce qu'en plus, on se comprend pas, quoi. J'aime tellement pas ça que j'arrive pas à apprendre, en fait. Moi, je me suis pas rendu compte quand j'ai dit oui pour cette maison du travail que ça allait représenter. Et que rien que me lever, m'habiller, faire des choses du quotidien, pour moi, j'avais l'impression que ça me demandait une énergie très, très importante. Du coup, ça nous a causé quelques soucis parce que on avait du mal à se retrouver sur nos besoins respectifs qui étaient complètement opposés. Et ce qui rajoutait de la difficulté, c'est que j'avais un peu cette culpabilité qui venait aussi de l'extérieur, de gens qui me disaient « Mais Tiffaine, il te construit ta maison, tu devrais être contente, Tiffaine, moi je rêverais de vivre dans une maison comme ça. » Enfin, c'était comme si j'avais pas le droit de me plaindre, quoi. Enfin, que des petites phrases qui, en fait, me blessaient, parce qu'en fait, moi, ce que j'avais besoin, c'était d'être avec lui, de me retrouver vraiment... Qu'on se soude et qu'on passe beaucoup de temps ensemble et avec Iliane. Et lui, son besoin, c'était vraiment de nous construire un avenir et c'était d'être dans l'action, en fait. Donc ça a été très compliqué. Aujourd'hui, heureusement, on est toujours ensemble. J'étais quasiment constamment en train d'imaginer un détail de plan, un calcul de matériaux, réfléchir à de l'organisation. Et donc cette occupation de mon esprit, ben, je l'avais pas pour eux. Des fois, on peut peut-être faire des hochements de la tête comme si on écoutait un peu, mais en réalité, je crois que il y a certaines discussions, je déconnectais vite parce que j'avais quelque chose qui m'avait imprégné à ce moment-là. Ça devait se traduire même physiquement. Ça m'a beaucoup fatigué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même certaines articulations qui ont bien dégusté. Et ce qu'il y a surtout, c'est que bah, les travaux ont pris la place du sport. Donc du coup, ça a été au moins 10 kilos. De plus ? Oui. Voire 15, je pense. En fait, je crois que toute son énergie l'a mis en se disant « Je vais créer pour Tiffaine et Iliane un nouveau départ. » Je vois que dans cet espace magnifique dans lequel on est, très ouvert, avec une vue sur le lac du Bourget, une terrasse, c'est très beau, avec beaucoup de lumière. Il n'y a pas encore grand-chose finalement au mur, mais j'ai vu qu'il y avait quand même les photos de vos fils. Et donc il y a la photo d'Iliane et de Naël juste derrière moi. Est-ce que quand vous êtes rentrée ici, c'est la première chose que vous avez faite ? En fait, c'est drôle que vous me posiez cette question parce qu'au début, il y avait vraiment rien du tout et j'avais du mal à trouver ma place dans cette maison. J'avais l'impression qu'il manquait vraiment quelque chose d'essentiel. Le fait de mettre des photos de mes enfants un peu partout m'a fait du bien pour m'approprier en fait cette maison. Et non seulement ça, mais quand on a un fils décédé, c'est se poser la question, bah, comment on lui laisse une place alors qu'il est plus là physiquement? Et pour moi, ça a été dans chaque pièce, même si les gens ne le savent pas forcément, dans chaque pièce de cette maison, il y a une symbolique pour mon fils Naël aussi. Ah oui ? Il y a un voilier, parce qu'on lui montrait toujours un livre en noir et blanc avec un voilier dessus, et à chaque fois, il faisait un grand sourire. Notre rêve, c'était de faire un tour du monde, et pourquoi pas en voilier. Donc on a cette symbolique-là qui, pour nous, le représente. J'ai quoi d'autre ? J'ai une petite figurine en forme d'ange dans la chambre d'Iliane. J'ai des peintures avec écrit Iliane et Naël. Voilà, dans chaque pièce, il y a une petite symbolique pour lui. Simone Veil dit que le but de la vie est de construire une architecture dans l'âme. Je serais assez d'accord avec cela. Il y a des gens qui amènent la destruction et d'autres qui veulent rétablir, soigner, restaurer. Habiter poétiquement un monde malheureux, c'est très difficile, mais c'est faisable. Et c'est d'autant plus nécessaire que le monde se perd, s'abîme, se déchire. C'est d'autant plus nécessaire que s'ouvrent ici ou là des puits de lumière. Je crois que, au fond, c'est ça la poésie. C'est juste un art de la vie. Le plâtrier siffleur, Christian Bobin. Ça y est, les travaux sont quasiment terminés. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir bien avancé dans votre deuil, maintenant ? Je crois que le deuil n'est jamais terminé. Je me sens bien aujourd'hui, parce que je me sens bien dans mon couple, je me sens bien dans ma vie professionnelle, je me sens bien dans ma famille, je me sens bien dans cette maison. Donc, globalement, je me sens bien. Mais le deuil et la présence de mon fils Naël par des photos dans cette maison traduit toujours, et je pense pour encore beaucoup de temps, et pour toujours j'imagine, un manque. Et ça, même si j'ai bien avancé et on s'est reconstruit à notre manière, moi et Tiffen, non, il y a toujours ce manque, et là, ça ne passe pas. Et c'est marrant parce que je fais toujours le même parallèle, du coup, parce que la maison, c'était un travail impressionnant, très très gros travail de la part de mon conjoint de construire cette maison. Et en fait, moi, de me reconstruire, ça m'a demandé un travail incroyable. Et comme je dis souvent, j'ai pas travaillé professionnellement pendant près d'un an et demi, et pourtant j'ai jamais autant travaillé sur moi-même, en fait. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a sauvé, dans le sens où ça m'a permis d'avancer comme je l'entendais, pour pas craquer, en fait. Parce que je me dis que si j'avais pas eu ça, ouais, je pense que le chemin n'aurait vraiment pas été le même. Il a eu raison, en fait. Ça a été dur, ça a été long, tout comme l'a été mon deuil, en fait. C'est compliqué à vivre, mais aujourd'hui, on commence à voir un peu la lumière, quoi. Ici, je vais vraiment me sentir bien. Je vais vraiment me sentir chez moi. Et puis, j'ai commencé à voir tout ce qui était positif, en fait, dans cette nouvelle vie qui nous avait créée avec cette nouvelle maison, en fait. Quand je me mettais là, je travaillais, je regardais le lac. Quand je voyais les petits oiseaux l'hiver se poser sur le bord des fenêtres, parce qu'il y a des petits rebords à droite et à gauche, il y a des rouges-gorges, des mésanges qui venaient. Et ça fait quelques semaines où je me suis dit, ah ouais, en fait, il a eu raison et je suis vraiment bien ici. En lisant Chez soi, de Mona Chollet, j'ai été marquée par un passage où elle imagine une société où nous serions tous les architectes et les bâtisseurs de nos lieux de vie. Ça m'a frappée, je ne sais pas vous, mais dans les nombreux appartements où j'ai habité, je n'ai jamais décidé de l'endroit exact où la cuisine serait installée, si les chambres seraient de ce côté ou d'un autre, s'il y avait la possibilité que l'espace me parle davantage. J'ai récupéré de nouveaux trousseaux de clés, j'ai parfois peint des murs, mais je n'ai rien imaginé de plus. Je pense que c'est une telle source d'angoisse, le logement, la plupart du temps, quand il faut en trouver un, quand il faut le payer. On est tellement sous la pression de cette angoisse qu'on ne s'interroge même pas sur cette anomalie qui fait qu'on n'a pas du tout notre mot à dire sur les espaces dans lesquels on entre. Et on est tributaire de ce que décident les pouvoirs publics et les architectes pour nous, donc j'ai l'impression qu'il n'y a même pas tellement de... Il y a une sorte de fatalisme dans ce domaine, c'est-à-dire qu'on... Du coup, c'est un sujet dont on se désintéresse, en fait, c'est-à-dire puisque de toute façon, on sait qu'on n'a pas le choix, qu'on peut juste espérer trouver un espace qui nous convienne à peu près et puis se l'approprier plus ou moins bien. On laisse tomber cette question de l'architecture, alors que ça devrait être... les bâtiments dans lesquels on passe nos journées, c'est tellement important, enfin, que ce soit... À la maison, au travail, ça détermine entièrement comment on se sent, nos relations les uns avec les autres. Enfin, c'est énorme, c'est tellement énorme, et c'est jamais débattu collectivement, c'est jamais discuté, en fait. Écoutez, les architectes sont dans une situation extrêmement difficile. Il n'y a rien de plus difficile que faire du logement en France. Il y a des règlements contradictoires, il y a des pressions financières. Ils sont dans une contrainte très forte. Bon, en fait, cette organisation, elle a une histoire, et elle a une histoire sociale. C'est parce que dans les années 50, on a voulu faire du logement très très vite, et on a étudié un plan qui était plus rentable que d'autres, hein, plus facile à reproduire, et que la reproduction d'ailleurs rendait rentable. Donc, baisser le coût. Alors, la question, c'est que aujourd'hui, les familles sont complètement en restructuration. Il y a beaucoup de divorces, il y a des familles recomposées, il y a des familles monoparentales, il y a toutes sortes de situations qu'on ne prévoyait pas à ce moment-là, quand on a fixé l'organisation banale du logement. L'idée, c'est de pouvoir transformer au fur et à mesure de la transformation de la famille. Voyez, la chambre de Gérard. Comme vous le voyez, tout comme il est. Et il faut que je vous dise, tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari. Oh, ben c'est original! Oh, mon steak! Oh. Reculez-vous un peu, c'est pour le jus! Et est-ce que la cuisine est l'endroit dans nos intérieurs qui a le plus évolué ce dernier siècle, on va dire? Oui, exactement. C'est la cuisine qui a le plus changé depuis un siècle, oui. La cuisine, jusqu'à la fin du 19e, début 20e, était une pièce du salle, une pièce fermée qu'on ne montrait pas, qui était hors du circuit des espaces présentables, si vous voulez, de réception. Il y a des textes de Zola terribles sur la cuisine et la cour de la cuisine où on jette les graisses. Enfin bon, c'est... Donc aujourd'hui, pourquoi on fait des cuisines ouvertes? Bon, depuis les années 60, les promoteurs, pour vendre les cuisines ouvertes qui ont été inventées en France pour les classes populaires les plus pauvres, pour leur donner un peu d'éclat, ils les ont appelées américaines. Aux États-Unis, les cuisines sont grandes et fermées. Les promoteurs ont pensé que ça allait leur faire l'économie d'une cloison et d'une porte et que ça allait faire accepter un séjour plus petit. Voilà, c'est tout. Donc c'est une affaire financière, cette histoire. Et comme ça a été... ces dernières années surexposé comme étant la meilleure chose à faire, ça a été accepté tout à fait. Sauf que les gens se sont rendus compte après que s'ils avaient une cuisine ouverte, eh ben, du coup, ils n'avaient plus de séjour, ils n'avaient plus rien. On entre et on est dans une cuisine. En fait, on n'a pas du tout anticipé, du côté des constructeurs et des organismes HLM, que ça allait susciter un tel rejet de la part des classes populaires. Et ça renvoie à ce que j'ai appelé les fonctions sociales de la cloison. La cloison entre la cuisine et le salon, elle a plusieurs fonctions. Première fonction, cette cloison, elle permet d'avoir des espaces à soi. Elle permet, dans la vie quotidienne, pour le ménage, d'avoir des moments où en fait on peut être tranquille, se retrouver soi-même, dans un contexte qui est particulier, puisque pour les classes populaires, la surface par habitant est beaucoup plus faible que dans la bourgeoisie ou dans les classes moyennes. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça renvoie à la question de la gestion du propre et du sale. La cloison, en fait, ça permet d'éviter que ça sente la friture, etc. Mais au-delà de la question des odeurs, c'est la question de la réputation des ménages. La réputation dans l'espace local, elle tient aussi à la capacité de savoir tenir son logement très propre. Le fait d'avoir une cloison, ça permet en fait d'éviter que la cuisine soit visible dans un milieu social où les sociabilités sont moins anticipées, moins programmées. Elles sont plus informelles que dans d'autres milieux sociaux et donc il peut y avoir des gens qui toquent à la porte de manière imprévue, des voisins, de la famille. Il y a souvent de la famille beaucoup sur place. Et il y a une norme de l'hospitalité qui fait qu'on doit être prêt à les recevoir tout le temps. Et puis la dernière fonction, c'est de pouvoir avoir des sociabilités séparées. Dans les classes populaires en général, c'est ce que montrent pas mal de travaux, il y a davantage de sociabilités qui se font de façon séparée selon le sexe, notamment au moment des réceptions dans le logement. Et donc d'avoir une cuisine fermée, ça permet par exemple de se retrouver entre femmes dans la cuisine pour avoir des conversations qu'on souhaite ne pas être entendues par les hommes, et inversement. Et donc ça se traduit par des refus d'une bonne partie des ménages, mais pas tous. En même temps, la cuisine ouverte, c'est aussi un symbole de modernité. Pourquoi? Ça s'explique aussi par la diffusion des normes, par exemple, dans les émissions de décoration qui se multiplient à partir des années 2000, en particulier celles qui s'adressent davantage aux classes populaires. Et il y a une valorisation aussi de cette, de ce dispositif comme quelque chose de moderne, de plus pratique, de plus sympa dans les sociabilités. Je pense qu'effectivement, si on a envie de faire un très grand séjour, on peut ouvrir là. Alors, qui adore les cuisines ouvertes? Les vieux et les jeunes. Ceux qui ne font pas de cuisine, en fait. Voilà. La cuisine, elle n'est pas aménagée équipée, hein. C'est des locataires qui étaient là, ils sont partis avec leur matériel. Elle est très spacieuse. On a déjà vu avec nos entrepreneurs qui sont passés pour avoir des idées du potentiel. On peut faire couper sur nous, on peut avoir un très grand séjour de cuisine. Les murs de cet appartement-là, ils vous parlent ? Je pense qu'ils me parlent, oui. Ils me parlent et ils m'ont entendu parler aussi beaucoup. J'ai l'impression que moi-même, ils m'appellent pour que ce soit moi qui travaille pour eux. Ils me choisissent. Vous les touchez, comme on pourrait le faire avec des arbres ? J'aime bien venir avec de l'encens et inviter le lieu à laisser venir quelqu'un d'autre. Voilà, je parle aussi simplement que ça. Je me promène avec mon encens et je lui dis qu'il ne faut pas avoir de regrets et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va venir s'installer, qu'il y aura peut-être de la joie, des enfants, du rire, des bonnes bouffes, des belles soirées. Et puis, voilà, je le fais sans aucune... c'est pas de la magie, hein, c'est de parler en fait à ce qui flotte dans l'air, quoi. Voilà. Je n'ai pas eu besoin de le faire souvent, mais à chaque fois que je l'ai fait, ça a marché. C'était drôle et régressif de bourrer la voiture de sacs et de cartons. Comme lorsque nous étions étudiants. C'était une joie de trier, de faire des piles d'objets et de commencer à nous mettre en mouvement. Nous avions besoin d'agir. Après tous ces mois de tergiversation, il nous était impossible de rester immobiles. Nous avions tellement envie de commencer à occuper les lieux. Nous étions électriques et chaque geste s'accomplissait dans une impatience qui peut se nommer euphorie. Ce sont des sensations uniques. Qui s'inscrivent, qui marquent le corps tout entier dans ce qu'il charrie d'énergie. Vivre vite, Brigitte Giraud. Retrouvons Anne, qui habite désormais avec Christophe. Un minuscule ascenseur, peut-on y tenir à deux ? Peut-être, si l'on est amoureux. Un septième étage, sous les toits, un petit parc juste en bas. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Ça va, Anne ? Ça va, et toi, Élodie ? Très bien. Bienvenue chez nous. Heureuse de vous revoir dans un nouveau cadre. Dans un nouveau cadre, oui. C'est la première journée où on peut à peu près marcher. Voilà, et je te présente donc Christophe, mon compagnon. Bienvenue dans cet espace. Est-ce que déjà on peut commencer par une petite visite du lieu ? Allons-y. Il ressemblait à quoi cet espace avant qu'Anne arrive ? C'était blanc. Tous les murs étaient blancs. Et il n'y avait pas beaucoup de mobilier dedans, puisque j'avais tout enlevé, ce qui était dans l'appartement il y a 2 ans. Pourquoi tu avais tout enlevé ? J'avais tout enlevé quand j'avais rencontré Anne, parce que dans un premier temps, j'habitais avec une autre personne. Et j'ai divorcé quand j'ai rencontré Anne et tout le passé, je l'ai sorti de l'appartement et j'ai tout repeint les murs en blanc. Ça veut dire que pour toi, une histoire se logeait dans chacun de tes meubles. Tu ne pouvais plus continuer si ces meubles-là existaient encore. C'est surtout dans le respect pour Anne, qu'on ne perde pas de l'énergie à revenir sur le passé. Ça c'était acquis, ça c'était quoi? Non, il ne faut pas s'embêter avec ça, je ne pense pas. Moi, j'étais même un peu surprise qu'il n'y ait absolument rien, parce que du coup, il a fallu tout racheter. Et en même temps, on a gagné du temps, parce que du coup, on a tout racheté ensemble, vraiment avec notre patte. Et en fait, j'ai bien aimé le côté ouvert à tout. Probabilité, toute opportunité de la vie, dans je ne m'encombre de rien. Et pour le coup, moi, après 4 mois de déménagement, emménagement, travaux, etc., mesurer la lourdeur, le poids de tout ce que j'avais accumulé tout un passé, des passés professionnels entiers. J'ai jeté tout plein de pans, vraiment de plusieurs vies professionnelles. Et bien en fait, j'admirais presque ça, d'être capable d'être vraiment, voilà, sur un coup de tête, d'être capable de bouger et pas... Donc c'est un espace qu'on a créé ensemble et je trouve ça beau, cette expérience. Moi, j'ai quelque chose à travailler, c'est faire ma place. C'est prendre ma place, du moins, plus exactement. Et donc, du coup, prendre sa place dans le couple, c'est un challenge. Et c'est un challenge qu'on fait avec beaucoup d'humour aussi et beaucoup de sentiments. Dans ma vie de célibataire, j'avais, avant de la rejoindre dans son appartement, j'avais toujours un espace de méditation. Donc, avec un petit rituel, j'arrivais, je prenais une petite douche. Et évidemment, si j'arrive, je la vois, elle me tend les bras, elle veut me raconter toute sa journée, tout en joie, tout ce qu'elle a passé. Et moi, je suis là, j'ai dit, faut que je respire là, il est où mon espace ? Et au départ, j'avais du mal à exprimer ça, est-ce qu'on peut prendre une heure, j'ai besoin de me poser. Et aujourd'hui, on a beaucoup évolué là-dessus, dans le respect de l'autre et les besoins de l'autre aussi. Ouais. Moi, je peux arriver très joyeuse et si l'autre a passé une journée, voilà, comment est-ce que d'un coup, je me crispe pas parce qu'il faut absolument qu'il soit bien pour que je sois bien. Voilà, comment est-ce que je ne me mets pas au diapason de l'autre et comment je peux rester chez moi dans mon petit précaré, entre guillemets, tout en étant dans cet espace de couple. Au-delà de ça, là, vraiment, on est sur un rythme de croisière vraiment très heureux à vivre des week-ends très fluides. Moi, je découvre avec joie ce truc de cuisiner ensemble, les dimanches matins, de je sais pas quoi, imaginaire, vas-y, je me lance dans ce truc-là. Ouais. Sauf que chaque emménagement est unique et une maison n'est pas toujours synonyme de sécurité. Pour Anne et Christophe, très vite, un nid vient déranger le leur. Un nid de guêpes, quelque part dans le faux plafond. Ou ailleurs, on ne sait pas. Les dizaines de personnes qui se sont succédées dans ce lieu ces dernières semaines ne l'ont pas trouvé. Mais les guêpes, elles, sont arrivées par dizaines, chaque matin, dans la salle de bain, au pied du lit. Et soudain, la maison se transforme en cauchemar qu'il faut quitter, vite, au moins avant l'été prochain, avant que les guêpes reviennent. On était collés l'un contre l'autre, moi vraiment au moindre bruit à se réveiller. Donc, ils n'ont toujours pas trouvé le nid. Du coup, on a investi moins, je dirais, entre guillemets, depuis quelques semaines dans cet appartement-ci, puisqu'on sent que c'est un appartement de passage. Et en tout cas, j'ai l'impression que cette épreuve, parce que c'était quand même une épreuve, nous a amené à nous pousser de plus en plus loin dans nos retranchements vers qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre nid. Alors, Anne et Christophe cherchent un ailleurs près de la mer. Loin du petit parc, loin des vues sur les toits, avec des guêpes, mais cette fois en liberté. Isabelle Fabra vous propose, dans un ancien hôtel particulier Napoléon III, datant de 1870, un magnifique appartement bourgeois, rénové. Il mesure 187 mètres carrés, haut plafond mouluré et rosace, sol en tomate. Isabelle Fabra habite de cheminée. Un bijou niché au calme de Saint-Eugène, en Doume. Un rez-de-jardin féerique type 3 sur jardin d'environ 100 mètres carrés. L'appartement offre 80 mètres carrés habitables en exposition ouest. Il se compose d'une entrée, un hall somptueux, distribué en étoiles, un office, une cuisine aménagée équipée, une arrière-cuisine, puis une belle salle à manger éclairée par deux grandes fenêtres à l'est sur le parc privatif. Les pièces sont habillées de cheminées. Puis deux quartiers résidentiels, calme absolu, commerce, bus, mer, corniche, baignade, accessible à pied. Un jardin exquis et un appartement charmant, magnifique lieu de vie. Je pense que ce serait vraiment une erreur de conformer notre imaginaire à l'état actuel du marché du logement, en fait. Je pense qu'il faut toujours qu'on ait à l'esprit que cette situation n'est pas normale et qu'on aurait droit à mieux, en fait. On a droit à mieux. J'ai l'impression de voir énormément de gens qui cherchent à créer un lieu qui, à la fois où ils seraient en sécurité, un peu à l'écart du monde, et où en même temps, ils pourraient aussi accueillir les autres et créer en quelque sorte une petite utopie personnelle. Et j'ai l'impression de voir ça, que tous les gens autour de moi qui ont les moyens de faire ça sont en train soit de réaliser ce rêve, soit de chercher comment le réaliser. C'est comme une sorte de sauve-qui-peut, en fait, un sauve-qui-peut général. C'est quelque chose qui est à la fois un peu triste, parce que ça veut dire qu'on perd espoir dans des projets collectifs, politiques, qu'on croit plus vraiment dans la possibilité de transformer les choses collectivement. Mais après, il y a quand même toujours un élan que je trouve assez beau, c'est-à-dire l'idée de se dire, moi je vais au moins créer un lieu où je serai bien, où les autres seront bien, que ce soit mes proches ou des inconnus. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, c'est un peu un renoncement, mais en même temps, je pense que ça traduit aussi une forme de foi persistante dans le bonheur, dans l'avenir, et d'élan altruiste aussi, à la fois d'élan vital pour soi et d'élan vers les autres. Un grand merci à Isabelle Fabra, à Anne et Christophe qui vont bientôt s'installer près de la mer, à Monique Eleb, à Pierre Gilbert, à Mona Chollet, et un grand merci aussi à Tiphaine et Anthony. Merci à Pierre-Marie Baudouin pour les lectures, à Geoffrey-Marie-Anne, Yann Fressy, Gilles Gallinaro pour la prise de son, Éric Boisset au mixage, à la documentation Anne-Lise Signoret, attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Chez nous, épisode 1 et on démarre une autre histoire. Une série documentaire d'Élodie Font, réalisée par Véronique Samouilov.